Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Greg Romano. Salut Greg, comment tu vas ? Salut Sofiane, ça va et toi ? Ça va super, merci. Et vraiment, c'est un honneur et un plaisir de te recevoir dans le podcast. Tu es quelqu'un, je le dis en toute sincérité, tu es l'un des humoristes que j'apprécie le plus. Tu es un des mecs les plus sympas du game, c'est sincère. Eh bien écoute, c'est très gentil de ta part. Écoute, c'était une bonne expérience. On s'est rencontrés, je crois, la première fois à Bordeaux. Et écoute, moi aussi, je te porte haut dans mon cœur. Ah, ben ça me va droit au cœur, vraiment. Tu sais, c'est dans ce milieu-là, c'est tellement compliqué de trouver des gens sympas que quand tu les trouves, tu es content de les avoir. Et quand ils acceptent de faire ton podcast, tu es aux anges, vraiment. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'inviter. Tout le plaisir est pour moi et pour les auditeurs. D'ailleurs, tu avais justement quelques anecdotes à nous raconter. Eh bien, écoute, je vais te raconter donc une de mes premières scènes de tournée. Je m'en rappelle, je ne sais plus où je jouais, mais je jouais en tournée. Tu as fait des tournées, donc tu sais que des fois, soit tu viens avec ton régisseur, soit il n'y a pas de régisseur et c'est le régisseur qui est fourni par la salle. Mmh. Et ce jour-là, je me rappelle, le régisseur qui était dans la salle était malade. Donc, en fait, ils ont mis une autre personne à place. Et après, il était très gentil, hein, au demeurant, mais il avait au moins, je ne sais pas, 90 ans. Vraiment. Et je commence à faire les répètes. Pendant les répètes, tu vois au bout de 5 minutes si le régisseur, ça va être compliqué ou pas. Et là, j'ai vu qu'il ne comprenait pas, en fait. En plus, mon premier spectacle, moi, à la base, au début, j'avais vraiment un son au début, un son à la fin. Tu vois, la lumière qui se baissait entre les sketchs et j'avais peut-être deux musiques. Et je voyais au répète, c'était compliqué. J'ai dit, bon, c'est pas grave, on va faire le spectacle, on va bien voir. Et c'était la première fois de ma vie que je jouais en tournée avec un micro-casque. Tu vois, donc j'étais pas habitué, moi, à jouer avec un micro-casque. Comme je faisais des petites salles, je jouais sans micro, en fait, sans micro-main, sans micro-casque. Et j'avais un micro-casque. Donc, c'était quelque chose que j'avais pour la première fois. Et donc, je commence à jouer le spectacle. Donc, forcément, il commence à faire une erreur, deux erreurs, trois erreurs, quatre erreurs. Et au bout de la cinquième, en fait, je suis en train de faire mon sketch. Et en fait, il coupe la lumière. Mais genre peut-être une minute avant la fin du sketch. Donc je suis en train de parler et il me coupe la lumière. Et moi, machinalement, je me dis, mais quel connard ! Et j'avais complètement oublié en fait que j'avais le micro-casque. Et bien évidemment, il n'avait pas baissé le micro-casque. Donc en fait, toute la salle et lui a entendu quel connard. Oh, c'est génial ! Non, j'étais trop mal à l'aise. Mais mine de rien, après, il n'a plus fait aucune erreur. Alors ça, du coup, c'est un conseil, je pense, que tu donnes à tous les humoristes. Si jamais vous sentez que le régisseur, ça va être compliqué, juste avant le spectacle, vous le regardez, vous lui faites quel connard, c'est nickel. Donc c'est pour ça que ça m'a fait une de mes premières leçons. Je me suis dit, maintenant, quand tu as un micro-casque, fais attention à ce que tu dis. Mais c'est génial, là, j'y crois pas. Oh punaise, de quel connard dans toute la salle avec le son. Mais c'est horrible quand tu es en train de jouer, en fait, et tu as ta chute qui va arriver, et lui, il te coupe la lumière. Tu dis, mais j'ai pas fait la chute là. C'est-à-dire que là, je viens de parler pendant 5 minutes, ils vont pas comprendre s'il n'y a pas la chute. Ouais, donc c'était dur. Et donc, quelle a été la réaction du régisseur sur le moment? Est-ce qu'il t'a pas dit, enfin, ou genre après le spectacle, il t'a pas dit genre ouais, désolé, ou je sais pas? Non, même pas. Mais après, il était gentil comme tout, mais tu vois, c'était vraiment un gage, c'était pas son métier, il était en remplacement parce que l'autre régisseur était malade et tout, donc tu vois, je n'en voulais pas là-dessus, mais c'est vrai que quand tu débutes, parce que c'était vraiment dans mes premières scènes, quand tu débutes et que tu as déjà, toi, un stress par rapport à ton spectacle, par rapport à ce que tu vas faire et que tu as en plus, tu vois, ce stress de la régie, de savoir si la régie va être bonne, c'est vrai que c'était un truc supplémentaire, quoi. Mais non, je crois qu'on n'en a même pas parlé après. Après, tu sais, la soirée s'était bien passée quand même. Mais voilà, ça ne m'avait pas mis dans des bonnes dispositions. D'accord. Et le public, est-ce qu'il a éclaté de rire quand tu as dit quel connard ou... Oui. Tu sais, c'est le rire, mais le rire un petit peu gêné quand même, tu vois. C'est marrant, mais il a quand même insulté le connard, quoi. Oh, c'est tellement bon. Je te jure, je ne m'attendais pas à ça. Parce que des régisseurs, tu vois, et bien sûr, on salue les régisseurs, hein, c'est pas du tout... Je te rejoins dans ce que tu dis, il était très gentil, mais ce n'était pas son métier. Déjà, quand c'est pas ton métier, même avec la meilleure volonté du monde, c'est très compliqué de faire une régie correcte. Ouais, c'est compliqué, c'est sûr, parce que souvent, en plus, tu dois gérer et la lumière et la musique, avec les tempos, donc tu dois être vachement focus sur ce que l'humoriste dit. Donc, c'est vraiment un métier compliqué. En fait, il faut être très concentré. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux pas te permettre de ne pas regarder, de pas suivre le spectacle, ne serait-ce que deux minutes, parce que des fois, tu as des tops qui sont à des endroits bien précis et des fois, le fait de pas avoir la lumière ou le son qui part au moment, ça peut te foirer la vanne, quoi. Oui, et puis, même les régisseurs professionnels, et franchement, il y en a vraiment des super compétents et tout, même eux, des fois, avec une régie un peu compliqué, ou des fois simplement avec les aléas de la vie, hein, ils peuvent avoir un peu le moral en berne ce soir-là ou quoi, ça peut arriver qu'il y ait un effet raté ou un truc comme ça. Et en général, ils vont venir te voir après, ils vont te faire « je suis vraiment désolé, j'étais pas dedans » et tout, tu vois. Voilà, c'est un métier compliqué, la régie, et c'est pour ça qu'on apprécie d'autant plus quand on a des régisseurs au top, quoi, tu vois, quand le régisseur est vraiment bon, tu es super content, et puis à la fin, on a l'habitude de les remercier et tout. Alors, d'habitude, tu vois, on dit merci à Julien à la régie et tout, un truc comme ça. Est-ce que là, du coup, tu as fait merci au connard à la régie? Non, déjà, je m'en suis voulu de lui avoir dit ça, mais c'était vraiment sur le coup, le fait qu'il me coupe sur la vanne, tu vois, ça m'a énervé, mais j'ai toujours été respectueux de tous les gens avec qui j'ai travaillé. Donc, ça m'a juste énervé. En plus, j'étais surtout. Pas énervé, mais tu vois, j'étais surtout mal à l'aise d'avoir dit ça et qu'il l'a entendu, quoi. Ah ouais, je comprends. Bah ouais, t'étais mal à l'aise, on aurait tous été mal à l'aise comme ça, mais c'est tellement beau parce que c'était un réflexe, quoi, tu vois, c'était pas calculé. Ouais, c'est clair. Non, mais je te taquine, hein. Moi, le premier, si j'avais dit quel connard dans le micro et qu'après, à la fin, je faisais les remerciements, j'aurais peut-être fait une petite blagounette. J'aurais pas réutilisé le mot, mais j'aurais peut-être fait une petite blagounette du style merci beaucoup à la régie, sauf pour tout à l'heure quand il m'a éteint la lumière trop tôt. Tu vois, ou voilà, juste tu vois, pour souligner le truc. Parce que je pense qu'il n'y a rien de pire quand tu fais un spectacle que d'ignorer les petits couacs. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. T'as en fait les humoristes qui vont faire en sorte, tu sais, ils jouent avec des œillères. Ces gens, il peut se passer n'importe quoi dans le public ou dans la régie, ils ne vont jamais adresser ce truc-là, tu vois. Alors que, justement, il faut le faire, il faut crever l'abcès, tu vois. Les gens ont vu ce qui s'est passé. Moi, je sais que quand je suis dans une salle et que je vois quelque chose qui se passe, si jamais la personne sur scène ne réagit pas et n'en parle pas, j'ai l'impression qu'elle évite une difficulté, tu vois. Elle élude le problème et je trouve ça dommage, tu vois. Alors qu'au contraire, si jamais elle fait « attends, il s'est passé un truc là », et hop, après elle enchaîne, même si la blague est pas ouf, le côté fraîcheur et improvisation va faire que je vais aimer ce qu'elle va faire. Ouais, c'est vrai. D'accord. Et donc, ouais, le spectacle s'est quand même bien passé, c'est l'essentiel. Oui, c'était cool. Bon. Et ouais, tu en avais une deuxième, tu m'as dit ? Oui, je faisais une première partie dans une grande salle. Je sais plus si c'était la Cigale ou quoi, mais c'était une grande salle. Et moi, sur mon spectacle ou sur mes scènes ouvertes que je fais, je rentrais toujours en fait en dansant. Parce que, faut savoir que je sais absolument pas danser, que quand je danse, déjà, c'est très drôle visuellement. Et là, comme c'était une grande salle, je me suis dit, tiens, tu sais, c'était à l'époque de la sortie du single Chandelier de Sia. Ah. Tu sais, avec les cheveux comme elle avait aussi, les cheveux blonds, là, l'espèce de perruque avec les cheveux au carré. Et je me suis dit, tiens, je vais m'acheter une perruque cheveux au carré, je vais rentrer sur Chandelier Sia et je vais tenter de faire la chorégraphie. La salle était blindée. Hein. Donc moi, j'étais en première partie et j'attends derrière le rideau. Et je me dis, ils vont m'annoncer, tu vois. Et là, j'ai la musique de Sia Chandelier qui part et ils ne m'annoncent pas. C'est-à-dire qu'ils ne m'annoncent pas du tout comme une première partie. Donc, les gens restent vraiment en mode, on attend le spectacle. Et là, ils me voient rentrer. Donc, tu connais mon physique, hein, 1m93, 130 kilos. Donc là, ils me voient arriver habillé en Sia, en train de danser. Et ils me regardent tous, tu vois. Et ils me regardent tous, ils ont l'air de dire, qu'est-ce qui se passe? On s'est gouré de spectacle, tu vois. Et moi, je suis en train de danser. Et je vois, tu danses. Bon, déjà, j'ai du mal à danser, donc je danse. Je galère. Et là, je vois tous les gens. Il n'y a personne qui rigole. Toute la salle entière, il n'y a personne qui rigole. Et ils ne m'ont même pas annoncé comme première partie. Qu'est-ce que je fais? Et j'ai dansé genre 40 secondes. Hein. 40 secondes, c'est très long. Hein. Déjà, quand tu es en surpoids à danser 40 secondes, c'est déjà très long, tu vois. Mais en plus, quand tu as, je ne sais pas combien de personnes, il y a plus de 1500 personnes qui rigolent pas, c'est encore plus long. Et je commence à danser. Et après, je m'arrête. Donc, essoufflé, bien sûr. Et je commence à me présenter. Donc, moi, je suis la première partie. Et j'ai vu les gens, tu sais, quand ils ont vu que j'étais la première partie, le soulagement, tu sais, dans leur regard. Je pense qu'ils pensaient vraiment qu'ils s'étaient gourés de salle, tu vois, j'en sais rien, et qu'ils étaient arrivés dans un spectacle de chorégraphie, de trucs de danse. Et moi, en plus, déguisé en Sia, je veux dire, tu vois, c'était... Les couples qui devaient se regarder, genre, mais tu t'es trompé, c'est pas le spectacle, c'est le lac des signes, tu vois. Non, mais ouais, c'est un gros signe, non. Et à partir de cette date-là, en fait, je me suis créé un texte d'intro. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, dans n'importe quelle première partie que je faisais, j'avais un texte d'intro. C'est-à-dire que je me suis dit, on ne sait jamais, si on ne m'annonce pas comme première partie, je savais toujours que j'avais ce texte d'intro qui me légitimer entre guillemets en tant que première partie. Et à partir de là, c'est vrai que bah voilà, j'avais ce texte qui me permettait ouais, de pouvoir faire mes premières parties et d'être un petit peu rassuré avant de rentrer. D'accord, mais tu as totalement raison parce que je trouve que c'est important. Tu vois, la première partie, alors bien évidemment, le seul cas pour moi où tu peux te permettre de ne pas annoncer la première partie, c'est quand, par exemple, je ne sais pas, moi, t'es copain avec Gad Elmaleh, par exemple, et Gad Elmaleh va venir faire ta première partie. Là, du coup, pas besoin de l'annoncer. Il va rentrer sur scène directement, les gens vont faire « Waouh !» Tu vois, ils vont être étonnés. Ouais. Et quand c'est quelqu'un bah, qui n'a pas une notoriété suffisante et une visibilité suffisante, comme c'est le cas de, on va dire, 95% des humoristes, tu vois, voire plus, là, c'est obligé de l'annoncer pour détendre les gens, tu vois. Et détendre, c'est le bon verbe, parce que tout à l'heure, tu as parlé de soulagement, tu as eu raison, parce que les gens se disent « Mais on ne comprend pas ce qui se passe là, on s'est peut-être trompé réellement et tout. » C'est super important d'annoncer qui va venir, histoire de ne pas avoir ce stress des gens, parce que si le public stresse, le public ne rit pas. Il faut absolument briser la glace et dire voilà, il y a deux solutions. Soit c'est la première partie qui s'annonce elle-même, on lui file un micro et elle le fait. Moi, je l'ai déjà fait. Quand j'ai fait la première partie d'Olivier de Benoît, par exemple, j'étais derrière le rideau à la Cité des Congrès à Nantes. Et en fait, j'utilise la blague que j'utilise moi pour annoncer les artistes qui font ma première partie. Ouais. J'ai un petit texte en fait, c'est que je fais, mettons, tu vois, j'ai un copain qui va jouer avant moi, je vais dire mesdames et messieurs, merci d'être venus pour mon spectacle et tout, donc je fais ça en voix off, tu vois, je suis derrière le rideau, et je dis, aujourd'hui j'ai prévu pour vous une première partie magnifique, un artiste talentueux, beau gosse, drôle, malheureusement il n'a pas pu venir mais j'ai trouvé un remplaçant. Tu sais, c'est une blague classique, hein, c'est une ficelle classique. Donc voilà. Donc là, après, je dis, est-ce que vous êtes prêts à faire du bruit pour le remplaçant? Ok, donc les gens gueulent et après, je fais, ah, maintenant du bruit pour machin. Et après, la personne, elle rentre. Et quand on me dit, bon, bah, on ne peut pas t'annoncer, c'est toi qui t'annonces quand moi, je fais une première partie, dans ces cas-là, je prends le micro et je dis, bonsoir, merci d'être venu au spectacle d'Olivier de Benoît, par exemple, tu vois. Merci d'être venu aussi nombreux. Il a prévu ce soir pour vous une première partie magnifique, blablabla, tu vois. Et je fais la même blague, mais pour moi. Et après, je dis, est-ce que vous êtes prêt à faire du bruit pour le remplaçant? C'est moi, merci beaucoup. Tu vois, ou je sais plus, enfin voilà. Après, je m'annonce, moi, en fait, de cette façon-là. Et ça, en fait, ça défroisse l'ambiance, quoi, au final. Parce que ça défroisse l'ambiance et ça te met toi aussi dans des meilleures dispositions, dans plus de confiance. Et tu arrives détendu parce que les gens, ils viennent, ils disent, OK, donc on a visualisé, ça, c'est la première partie. Donc, ben, c'est-à-dire pendant 5 minutes, voilà, il va parler, machin. Et donc, ouais, non, c'est super important. Mais oui, il faut absolument que les gens sachent de quoi il s'agit, parce que des fois, ça peut être une surprise, mais de toute façon, dans l'effet de surprise, il faut que ce soit positif. Tu vois, je te dis, si tu vois un artiste, tu ne t'attendais pas du tout à le voir, mais tu le connais et tu l'aimes, et tu le vois en première partie, tu es content, on ne te l'a pas annoncé. Mais quand c'est quelqu'un que tu ne connais pas, bah, il faut au moins prévenir, tu vois. Là, ils auraient pu dire, mesdames et messieurs, en première partie du spectacle, veuillez accueillir Sia. Ça aurait été marrant qu'ils t'annoncent comme ça. Ah oui, non mais vraiment, ils auraient pu dire, vous avez de la chance, une artiste internationale et tout, qui est là ce soir pour vous, vous la connaissez avec son tube Chandelier, et après, bim, toi tu rentres en Sia, c'est trop, là les gens auraient hurlé de rire là. C'est vrai. Ah mais c'est dommage, mais tu t'en es bien sorti au final, est-ce que ton passage a été cool derrière? Oui, oui, non, ça a été cool, parce qu'après, justement, je me suis présenté en tant que première partie, et non, après ça s'est très bien passé. Mais c'est vrai que, disons que tu vois, tu fais cette danse pour que ça mette un petit peu l'ambiance, que les gens applaudissent, qu'ils se mettent dedans, et en fait, ça a eu complètement l'effet inverse. Voilà. C'est ça. Bon, du coup, on ne pourra plus te voir danser sur Sia, malheureusement. Non, mais j'ai arrêté la danse. Hein, je veux dire, je laisse ça aux vrais professionnels maintenant. Est-ce qu'au moins, tu as gardé la perruque? Non, mais bien sûr que non. Non, le soir même, j'ai jeté. Non, mais tu sais quoi, ce serait trop marrant que tu prennes la perruque, que tu la mettes pour monter sur scène et que tu joues comme si de rien n'était. T'en parles même pas, tu vois. Ouais, ça pourrait être marrant, c'est sûr. Ouais, écoute, en tout cas, ouais, ça fait plaisir d'avoir pu écouter ces belles anecdotes. Et malheureusement, ça me rappelle que pour l'instant, nous sommes privés de scène et nous sommes privés de te voir toi sur scène. Ça fait un petit moment que t'es pas monté, je crois. Oui, ben moi j'ai arrêté mon one man il y a 2 ans, mais je joue dans une pièce en ce moment qui s'appelle Duel à David et Jonathan avec Artemus, avec Julien Schmitt, Céline Broussard et Sébastien Chartier. Et ben là, écoute, on n'a pas joué depuis. Voilà, depuis le mois d'avril dernier. Ah, d'accord. Dommage. Et donc, entre les deux premiers confinements, vous n'avez pas pu reprendre? Non, on n'a pas pu reprendre parce que c'était des dates de tournée, donc c'était compliqué. Et donc là, on va reprendre, mais je pense à partir de 2022. D'accord. Bon, bah déjà, c'est une bonne nouvelle que tu aies gardé le contact avec la scène à travers ça avant de revenir peut-être avec un second one man. Peut-être, Peut-être, écoute, tu sais, entre-temps, j'ai été papa de deux enfants, donc oui, j'ai des choses à raconter. Ah ben alors là, mais tu sais quoi, moi j'ai vu ton spectacle, je l'ai vu, et moi je suis quelqu'un, je suis beaucoup dans l'empathie et tout ça, et puis dans l'identification, et quand je t'ai vu sur scène raconter tes anecdotes, ta vie en fait, c'est ta vie qui était sur scène. Toi, tu faisais ça et tout. Il y avait beaucoup, tu avais mis beaucoup de toi dedans. Moi, j'aime beaucoup l'autodérision, j'en fais beaucoup aussi. Et je me disais, mais c'est génial en fait. Il nous parle avec le cœur, il nous parle vraiment. Tu vois, il y a presque pas de filtre, quoi. Tu vois, c'est non, comme si je me racontais vraiment à 100% sur scène. Ouais. Ouais, c'était ma vraie c'est vie. Ça, c'est ça. Mais ça faisait ton charme en fait sur scène. Tu vois, c'était vraiment. Les gens sentaient que tu trichais pas parce que il y a des gens quand ils balancent un truc et qu'en fait tu te rends compte que c'était totalement faux, t'es un peu déçu. Alors que toi, c'était vraiment du 100% vrai. C'était un spectacle bio. Quoi, tu vois. Le deuxième, bah, du coup, avec tes enfants, bah, déjà félicitations. Moi, j'ai été vraiment ravi de voir que tu étais devenu papa. Et puis, j'ai appris donc récemment, tu m'as dit que tu étais devenu papa pour la deuxième fois. Donc, c'est quand même beau. C'est deux petites filles. Non, une petite fille et un petit garçon. D'accord, ok. Moi, je me souvenais, ouais, tu avais eu la fille en premier. C'est ça. Voilà, moi c'était la fille dont je me souvenais, et donc c'est tellement beau. Et moi en tant que papa, tu vois, moi j'ai trois enfants aussi, et je peux te dire que j'ai eu plein d'idées par rapport à ça. Donc je suis persuadé, évidemment, tu vois, tu dois te dire c'est pas pour maintenant et tout, mais je suis sûr que tu as des notes dans ton téléphone remplies de quoi faire un spectacle entier, quoi. Ah bah toujours en écrit, hein. On est en sens d'écriture, on a toujours le téléphone avec l'application Notes, et on écrit, hein. Mmh. Eh bien, du coup, ça peut être intéressant de te demander en fait comment tu te sens toi par rapport au fait que tu es passé du one man à une pièce avec beaucoup d'autres comédiens. Est-ce que le plaisir est le même? Moi, j'ai jamais fait ça, donc je peux pas te dire, mais est-ce que le plaisir est le même? Est-ce qu'il y a une frustration de pas être seul? Est-ce que je sais pas? Non, le plaisir est totalement différent. Déjà, tu n'es pas tout seul. Tu sais, quand tu joues tout seul ton spectacle et tu vois par exemple que. Je sais pas, c'est difficile les 5 premières minutes, que le public n'adhère pas forcément à ton humour et que les rires vont être difficiles. Tu sais qu'après toi, tu vas être tout seul pendant 1 heure, en fait, à essayer de ramer ou à essayer de récupérer le public. Là, c'est totalement différent parce qu'on est une troupe. Donc, on s'entraide entre nous. En plus, c'est une pièce, c'est un western. Donc, on est en costume. On joue plusieurs personnages. Donc, c'est une autre ambiance. Je veux dire, on se régale autant, bon, en one man que dans une pièce. Et même en tournée, tu sais, en tournée, on est tous ensemble, donc c'est un exercice que j'aime énormément, et je prends réellement beaucoup de plaisir à faire ça, et surtout cette pièce en plus qui a été écrite par Artus, et que je kiffe vraiment, et voilà, on prend vraiment beaucoup de plaisir à le faire, donc c'est une autre expérience, mais c'est tout aussi jouissif, quoi. D'accord, mais moi j'aurais pensé, tu vois, que vraiment il y aurait peut-être peut-être pas une frustration, mais j'aurais pensé qu'il y aurait un petit blocage peut-être des fois à te dire ah punaise, là j'ai envie de jeter une blague, surtout que là c'est pas de l'improvisation, c'est vraiment écrit et tout. J'ai une blague qui me vient, mais je peux pas la dire, tu vois, je peux pas. Si, parce que nous on a un texte, donc on a un texte de base, mais c'est vrai qu'on on place pas mal d'improvisation aussi dans cette pièce. On l'a tellement joué qu'on la connaît par cœur, et donc des fois, on part en impro. Donc, soit des fois, c'est un tout seul qui part en impro, qui sort une phrase. Soit après, c'est quand on a une scène à plusieurs où on part en impro. Donc, ça, c'est des choses qu'on ne s'interdit pas de faire, tu vois. Donc, des fois, on part en impro, ça marche, ça cartonne. Et des fois, on part en impro et c'est un beat total. Mais il n'y a pas cette frustration-là parce qu'on est quand même très libre, tu vois. On n'est pas. On a le texte, bien sûr, on a la ligne, une ligne à suivre, tu vois. Mais après, ça nous arrive plusieurs fois de sortir du texte et ça ne pose pas de problème. Ouais. Donc, ça, c'est cool. D'accord, bah c'est une bonne nouvelle. Du coup, oui, j'avais vraiment peur que ce soit fermé et tout, parce qu'il y a certaines pièces. Par exemple, si tu joues un Molière, tu ne peux pas te permettre de bifurquer ou quoi, tu vois. Mais là, quand même, c'est bien. Et par contre, là où j'allais te dire l'avantage que vous avez, vous, en troupe, et que tu n'auras jamais en one man, sauf si tu as une vraie équipe autour de toi, c'est après le spectacle ou avant, tu vois. Ça, c'est des moments de quand tu es tout seul en one man, et c'est des vrais moments de solitude. C'est vrai que tu te dis, il y a 2 minutes, j'étais devant 100 personnes en train de les faire rire, et là, je me retrouve tout seul dans la chambre d'hôtel. Donc, oh, ouais, c'est vrai que c'est un, une vraie cassure en fait entre le spectacle et l'après-spectacle. Ouais, voilà, c'est la solitude, la fameuse solitude de la chambre d'hôtel, elle est connue celle-là. C'est ça. Ouais, mais on continue à le faire quand même parce que tu sais, on va chercher cette petite drogue, cette petite dose de dopamine qu'on a ressentie pendant le spectacle. On essaie d'aller la chercher chaque soir et puis après on repart vers une vie limite anonyme, tu sais, quand t'es pas connu, une vie anonyme j'allais dire sans saveur, c'est peut-être un peu trop, c'est peut-être un peu trop fort, mais beaucoup plus plate, quoi, tu vois, c'est dommage. Mais je pense que de toute façon, la solitude de la chambre d'hôtel et puis la solitude avant le spectacle, tout ça, je pense que tout ça, on l'accepte parce que on sait que la dose de bonheur que ça apporte vaut largement le coup de supporter la solitude. C'est ça que je voulais dire. Ouais, exactement. Et donc, on peut espérer te revoir sur scène bientôt avec donc Duel à David et Jonathan. Déjà, rien que le nom, j'ai rigolé quand je l'ai vu la première fois. C'est tellement marrant. Et puis Artus, c'est une machine, hein, c'est sûr. Ouais. Je l'ai vu sur des spectacles à Montreux et tout. Le mec, c'est vraiment une machine. Je l'ai vu dans On ne demande qu'à en rire aussi. J'imagine que le texte doit être complètement fou, quoi. Oui, non, franchement, c'est une pièce qui marche très bien. On est très content. Le public est là, présent, et ça rigole à chaque fois. Donc non, franchement, c'est vraiment cool et j'ai vraiment beaucoup de chance d'être sur cette pièce, quoi. Mais écoute, on te souhaite que ça continue le plus longtemps possible. Merci beaucoup, Greg, pour tes anecdotes. C'était un plaisir de te recevoir dans le podcast. Et où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux ? Sur Instagram et sur La Fourchette. La Fourchette. J'ai pas percuté au début La Fourchette. D'accord. Ah oui, oui. Alors sur La Fourchette, oui, on est le genre de personne très présente, j'avoue. On est des gens gourmands. Mais tu sais quoi, moi je m'en cache tellement pas. Toi, je sais que tu t'en caches pas non plus, et c'est ce qui fait le charme de nos personnages. Mais moi, je m'en cache tellement pas que je fais des vidéos sur ma chaîne YouTube qui s'appelle des vlogs de gros. Et c'est des petites vidéos en fait dans lesquelles je teste des restos et tout. Tu sais quoi, si franchement, si t'es chaud, quand tout ça reprendra, quand toute la vie reprendra et que les restos seront rouverts, un de ces quatre, quand je serai de passage sur Paris, on se fait un vlog de gros ensemble, ça te dit? Eh bien écoute, avec plaisir. Ah ben le plaisir sera partagé. En tout cas, merci beaucoup. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, Sofiane Etahi, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.